Section 33. Deuxième partie, chapitre 2. Il revenait dans l'intention de se fixer en France. En Bourgogne d'abord, pour quelque temps, dans un château appartenant à Narbanton et qu'on appelait les Charmeaux, puis à Paris, d'où il ferait une excursion en Bretagne. Ce voyage de 4 années ne leur avait donné à l'un comme à l'autre que des satisfactions. Cependant, peu à peu et à la longue, ils avaient ressenti le désir de s'arrêter. On ne marche pas toujours, il arrive un moment où le repos est un besoin, où ne plus ouvrir les yeux est une jouissance. Les montagnes sévères de la Grèce, les sables de l'Égypte, le ciel bleu de la Méditerranée étaient devenus pour eux monotones, trop de classiques. « Le vin de Chypre a du bon, » disait quelquefois Emmanuel, « mais les vins parfumés de la Côte d'Or ont bien leur mérite. » « Ne verrons-nous jamais de vrais nuages ?» disait Charlotte. « Et une mer verte, laissant à sec une plage couverte de goémons ?»« Les palmiers sont poétiques, mais les vieux chênes du Morvan sont romantiques. »« Les buissons de l'Oriéro sont très beaux, mais c'est une belle chose aussi que de voir des pommiers défleuris et une lande couverte d'ajoncs en fleurs. » Ils avaient besoin de respirer l'air natal et d'entendre le parler français retentir à leurs oreilles. Que s'était-il passé pendant leur longue absence? Emmanuel avait trouvé de temps en temps des correspondances d'affaires chez ses banquiers. Mais Charlotte n'avait pas reçu une lettre et n'avait pas ouvert un journal. Arrivés à Marseille, ils ne firent pas long séjour dans cette ville. La Provence maritime, c'est encore la Grèce avec ses montagnes grisâtres sous un ciel bleu. La crique avait été renvoyée à Saint-Nazaire pour y être désarmée et ils s'étaient embarqués en chemin de fer. Emmanuel avait voulu prendre un coupé, mais Charlotte s'y était opposée. « Non, pas de coupé, avait-elle dit, mais un compartiment de première dans lequel il y aura du monde. Nous entendrons parler. C'est une douce langue que le français. » En entrant dans la gare, elle avait respiré avec délice la fumée sulfureuse du coke qui s'échappait de la cheminée de la locomotive, et pour la première fois de sa vie, elle avait trouvé que la graisse qui sert pour les roues des wagons sentait bon. Son désir d'entendre parler français avait été servi à souhait, car dans leur wagon étaient montés 2 voyageurs qui, à peine installés, s'étaient mis à bavarder avec une vivacité toute méridionale. Il est vrai que ce français n'était pas d'un accent très pur, mais pour des oreilles qui, depuis 4 ans, n'avaient entendu que les différents idiomes de l'Orient, c'était une douce musique. Tout d'abord, Charlotte ne prêta attention qu'à cette seule musique. Il ne lui convenait point d'écouter la conversation de ses voisins, et ce qu'il disait d'ailleurs n'était pas pour provoquer sa curiosité. Il parlait politique. Pendant que la machine de leur train express les entraînait vers Arles, elle regardait par la glace ouverte le paysage fuir derrière elle. La gorge qu'ils traversaient était sauvage, encombrée de rochers sombres, par-dessus lesquels on apercevait la mer bleue. C'était toujours l'Orient. Elle releva la glace et s'accouda dans le wagon, regardant ses voisins qui causaient aussi librement que s'ils eussent été seuls. « Au milieu de tout cela, dit l'un d'eux, quelle va être l'attitude de Georges Safarel ?» À ce nom, qu'elle n'avait pas entendu prononcer depuis 4 années, Charlotte reçut une commotion au cœur, et bien qu'elle eût baissé les yeux, elle vit que son mari avait fait un mouvement. Qu'allait-elle entendre dire de celui qu'elle avait tant aimé et qui, par son abandon, l'avait fait si cruellement souffrir ?« La question que vous me posez, je vous la retourne. » répliqua celui qui avait été interpellé sur le compte de Georges. « Vous connaissez Safarel mieux que moi. »« Mon bon, mettez-vous bien dans la tête qu'on ne connaît pas Georges Safarel. »« Assurément, si quelqu'un pouvait se flatter de le connaître, c'est moi. Eh bien, retenez ces 5 mots. Je ne le connais pas. » Charlotte respira. Si ni l'un ni l'autre de ses compagnons de route ne connaissait Georges, l'entretien allait en rester là. N'ayant rien à dire, il serait bien obligé de se taire. Mais c'était une espérance trompeuse, et les mots « je ne le connais pas », si nettement articulés, n'étaient qu'un artifice de langage. « Je ne suis pas une bête, » continua le voyageur qui avait dit ne pas connaître Georges Safarel. « Je ne me donne pas comme un génie, mais enfin j'ai du jugement, et je sais apprécier un homme à sa valeur. J'ai des procédés à moi pour le toiser, et je vois bien vite ce qu'il a dans son sac. Ma parole d'honneur, je ne sais pas ce qu'il y a dans celui de Georges Safarel. Seulement j'ai peur que ce qui s'y trouve si bien caché ne vaille pas grand-chose. » À ce moment, Narbanton, qui ne perdait pas un mot de cet entretien, se pencha vers sa femme. « Regarde donc l'étang de Ber, lui dit-il. C'est la dernière fois que nous voyons les eaux bleues. » Évidemment, il voulait qu'elle n'entendît pas ce que disait leur compagnon de voyage, et c'était une diversion qu'il tentait. Elle-même eût voulu ne pas écouter, mais une force plus puissante que sa volonté la rendait attentive. Elle ne répondit rien à son mari, et se tournant du côté de l'étang que le train longeait, elle parut regarder le paysage, mais ce n'était pas dans ses yeux qu'était la curiosité, c'était dans ses oreilles. Que lui importait l'étang de Ber quand on parlait de Georges? L'entretien avait continué. « J'avoue que je me suis joliment trompé avec lui, » disait le voyageur, qui n'était pas une bête. « Quand je l'ai entendu plaider dans l'affaire du progrès, j'ai dit « voilà un homme ». Mes idées, mon bon, toutes mes idées, toutes mes opinions que je retrouvais en lui. Et vous savez que je n'y vais pas par quatre chemins, moi. Je suis carré. La République, tout pour le peuple et par le peuple. Voilà mes principes. C'était ceux de mon père, ce sont les miens. Quand on a souffert pour ses idées, on n'en change pas. Et j'ai été transporté pour les miennes. Après quelques entrevues avec Safarel, je m'attache à lui, mais là, ce qui s'appelle un véritable attachement. Et je me mets dans la tête d'en faire notre député. Il était jeune, il parlait bien, et puis enfin toutes mes idées, toutes mes idées. Toutes vos idées, mais aussi beaucoup d'autres. Le fait est que pour un homme de jugement, je me suis bien mis le doigt dans l'œil. On peut dire qu'il m'avait ébloui. Je ne voyais, je n'entendais que par lui. Et cependant, les avertissements ne me manquaient pas, et l'on me rapportait qu'il n'était pas du tout carré, comme je le pensais, qu'il était au contraire disposé à toutes sortes de concessions. Naturellement, je m'en expliquais avec lui en prenant des précautions pour ne pas blesser sa dignité. Il sortit de cette explication triomphant et je fus de plus en plus convaincu que nous avions un homme. Si je vous avais vu alors, je vous aurais dit que votre homme était aussi le nôtre, ce qui aurait été la preuve qu'il nous trompait les uns et les autres, car je suis loin d'être aussi avancé que vous, et pour moi les formes de gouvernement n'ont aucune importance. C'est bien ainsi qu'il a réussi, en trompant tout le monde. Il a eu le talent de convaincre chacun. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Il a été nommé, et franchement, ça a été un beau triomphe pour lui. Et pour vous? Pour moi aussi, ce dont j'enrage, car il m'a mis dedans. Croiriez-vous que j'ai eu la sottise de répondre de lui, car il y avait des gens qui, moins bêtes que moi, trouvaient louche cette conduite, qui voulait contenter tout le monde. Ce qui me désole, c'est que je me suis engagé personnellement, et aujourd'hui il y a de très honnêtes gens qui me font, avec raison, responsable de ce qui arrive. Vous n'avez pas été le seul trompé. Ça, mon bon, ce n'est pas une consolation. La seule que je trouve, et elle est bien mince, c'est de ne pas avoir été longtemps sa dupe. Quand j'ai vu qu'il entrait en relation avec Morny, et quand j'ai appris que celui-ci parlait de lui comme d'un homme sage, comme d'un habile politique, comme d'un esprit élevé qui ne subissait pas les pressions de l'opinion publique, j'ai été fixé, et j'ai compris que j'avais donné à l'Empire un cheval de relais pour le jour où l'on serait obligé de changer l'atlas éreinté qui nous gouverne depuis 1852. Est-ce assez mortifiant? Il est vrai que pour vous, la dose était dure à avaler, car tout le monde sait la part que vous avez eue à son élection. Sans votre influence, il n'aurait pas été nommé. Avaler la chose, moi? Je ne l'ai pas avalée, je l'ai crachée. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Vous vous êtes fâché. J'ai pris le rapide et débarqué à Paris. J'ai couru chez mon homme, réception, avec un visage souriant et affable, comme vous pensez bien, mais j'arrive comme un coup de mistral, et le sourire s'est effacé. Je lui ai dit son fait. Ça a été vif. Je suis sûr qu'il n'a répété à personne ce que je lui ai conté, entre quatre yeux. Il a voulu se défendre malgré tout, car il a la langue bien pendue, et il est aussi difficile à retenir qu'une anguille. Mais j'ai serré les doigts, et si glissant, si gluant qu'il se soit fait, je ne l'ai lâché que quand j'ai eu fini. Un homme capable de tout, une planche pourrie. À ce moment, Narbanton, qui était resté immobile, à côté dans son coin, se pencha en avant et portant la main à son feutre. « Pardonnez-moi de vous interrompre, » dit-il d'une voix grave. « Mes opinions vous blessent ?» Charlotte voulut mettre la main sur le bras de son mari, mais celui-ci la repoussa doucement. « Je ne m'occupe pas de vos opinions, » dit-il, « et je ne me serais pas permis de les écouter si vous n'aviez pas prononcé un nom qui m'est cher. Tant que vous vous êtes contenté d'apprécier la ligne politique de la personne qui porte ce nom, je n'ai pas réclamé. vous avez contribué à son élection. Pour le malheur de la France. Vous aviez le droit jusqu'à un certain point de le juger comme votre député, mais quand je vous ai interrompu, vous ne parliez plus du député. Je n'ai rien dit que je ne sois prêt à soutenir. Monsieur, je ne veux pas engager une discussion avec vous. Je veux seulement vous faire remarquer que M. Georges Saffarel est mon ami, qu'il est le cousin de madame, et que dans ces conditions, vous trouverez sans doute convenable de ne pas continuer à haute voix un entretien qui nous blesse dans nos sentiments d'amitié et de famille. Pour moi, pour nous, Georges Saffarel est digne d'estime. Monsieur ! Mais l'autre voyageur intervint du geste pour calmer l'irritation de son compagnon. À la fin, celui-ci voulut bien entendre raison, et saluant Emmanuel de la main, « Je regrette d'avoir parlé si haut, et je vous en fais mes excuses. Mais ma foi, votre cousin n'est pas le mien, et vous pouvez lui dire que Marius Bellicens ne lui envoie pas ses compliments. » Fin de la section 33.